L'équipe prêt à faire mal pour du liquide. Usain Bolt quand tire les flics, pas de langue de pute dans la team. Ça serait maléfique que des petites brunes dans ma ville. Ça serait magnifique. Tosma dans les biens, t'inquiète, on contrôle le trafic. L'oseille tombe pas du ciel, non, ça c'est pas magique. Dunk tire à 3 points, un peu comme le FC Magic. En écoutant du old school, je vois que je suis nostalgique. Ce son c'est la preuve que j'ai révisé mes classiques. Mob Deep, Nas, Tupac, t'inquiète, j'ai les deux packs. Au lieu de gaspiller ton fric, achète des roses au petit pack. Ton rap est nul à chier, sa mère, j'ai la gastro. À peine arrivé, je vais tout niquer, Fidel Castro. Vas-y, je reprends normal, je vois que t'as kiffé le topo. Je te montre, je te démonte comme un putain de Lego. Que ce soit de la bœuf ou du pilon, ça m'est égal. Vous êtes conviés à ma table, ce soir c'est moi qui régale. Si t'es devant moi, je bougerai pas, la cage à la chabale. Arrête, t'es pas crédible, dans Malcolm, tu serais hal. Viens pas croquer dans mon assiette, le steak il est charal. Et si je te regarde de haut en bas, c'est que je te trouve pas mal. Quand je vais baiser ta cousine, crois-moi, je vais pas faire le dans le détail. On se trempe pas à la piscine, mais plutôt dans l'illégal. Plongé dans mon texte, ne regarde même plus l'heure. J'ai mis mes couilles sur la table, je n'ai plus de pudeur. T'es tellement crasseuse qu'on peut te suivre à ton odeur. J'suis déjà bien devant toi, un conseil, change de moteur. Mon rap te fait l'effet d'une putain de tumeur. Je sais que c'est douloureux, même avec du beurre. À force de baiser des sœurs, on prend pour un Lannister. C'est pas de ma faute, c'est elles qui m'ont dit viens jouer à Twister. Loca suit, Ram t'as reconnu, le fera un peu trop rapide pour toi. McLaren, Gilera, Megan Fox c'est comme une classe, jamais tu la sauteras. Être suisse c'est comme une farce, jamais on me l'achètera. Quelques comptes là-bas, ça tu ne seras pas. Mais si t'es sympa, je te ferai croquer, t'inquiète pas. Mon enfance se résume à B2OBA. Toi t'es tellement flingué, t'as même pas ton B2I. Tu m'as l'air mal dans ta peau, hop, 2 mois d'asile. J'aimerais voir leur tête quand va atterrir le missile. Tu veux pas tremper, mais je t'ai vu nager dans le Nil. Qu'il ne soit pas prêt, ah ça serait débile. Ne t'approche pas plus près, t'as une tête d'imbécile. Dans le garage à Willy, entassé comme au goulag. Tu papotes pour des centimes, arrête de faire les schlags. Tu me traiteras de salope, le jour où je porterai des bagues. Le qui tout me de Zay, qui est planqué dans le school bag. Ne te brûle pas les ailes, tu vas tomber dans les algues. Gros rat de marée, je te détruis avec une vague. Si je te dis ça, crois-moi que ce n'est pas une blague. J'en mets ma main à couper à la T-bag. Tu te planques, tu fuis, tu nous dois du bif. Si on chope, cours vite car ce sera tarif. Un peu comme le système, je viens pour te mettre des gifles. Vas-y, je recommence parce que je vois que tu kiffes. Hein. Tu te planques, tu fuis, tu nous dois du bif. Si on chope, cours vite car ce sera tarif. Un peu comme le système, je viens pour te mettre des gifles. T'es une salope, donc pour toi ce sera des bifles.